Le château du Dolph, de Joseph Mary. Anne Radcliffe avait une sombre imagination. Elle n'a pas inventé les fantômes, mais elle les a perfectionnés. Le nombre des êtres mystérieux que cette femme féconde a mis au jour est incalculable. Les romanciers prennent ordinairement leur héros dans le monde réel. Anne Radcliffe a exhumé les siens du monde imaginaire. Tout personnage convaincu d'exister était naturellement exclu de ces domaines. Aussi, pour se livrer en conscience à l'étude du genre qu'elle exploitait, elle s'était retirée à l'écart et se faisait une vie conforme à sa vocation d'auteur infernal. Rien de terrible comme un souterrain creusé par les mains d'Anne Radcliffe. Les châteaux qu'elle a bâtis sont inhabitables et inhabités, car il s'y passe d'effrayantes choses à minuit, heure officielle des fantômes, heure qu'on n'entend jamais tinter au beffroi, sans éprouver 12 battements au cœur. Hélas, le siècle a changé, on ne croit plus à rien aujourd'hui. Les spectres sont destitués. La mythologie d'Anne Radcliffe est tombée dans le néant. Nous sommes tous des esprits forts. Nous dînerions avec le spectre de Banco s'il nous donnait à dîner. Minuit n'est plus pour nous une heure formidable. C'est le midi de la nuit. John Lewing ne pensait pas ainsi. C'était un esprit faible. Fils d'un honorable baronnet du Devonshire, il avait hérité d'une immense fortune, à l'âge heureux où l'homme en estime le prix, parce qu'il peut l'échanger en détail contre des jouissances. Mais John Lewing ne se souvenait de sa richesse qu'à de rares intervalles et ne l'appelait à son aide que pour satisfaire la plus fantastique des passions. Il s'était prouvé qu'il avait vu deux revenants et un certain nombre de spectres. Il avait divisé les apparitions en catégories. Il aimait assez les lutins, il plaisantait avec les aspioles, il souriait aux farfadets, il causait même familièrement avec les fantômes, mais il ne pouvait pas souffrir les spectres et surtout les revenants. Cependant, il ne les craignait pas. Il ne négligeait aucune occasion de rencontrer sur son passage une compagnie de spectres enchaînés et d'entrer en relation de bon voisinage avec eux. Il avait habité dans le Devonshire plusieurs châteaux dont la réputation était tarée. Il avait pris à bail 4 de ces châteaux et toutes les nuits, il changeait de chambre, comme Denis le tyran, non pour éviter une apparition, mais pour la rencontrer, en supposant qu'un spectre affectionnât plus particulièrement une chambre qu'une autre. Eh bien, avec toute cette verve de curiosité nocturne, il n'était parvenu qu'à voir de revenants, et encore avait-il des moments de doute lorsqu'il y réfléchissait. La bibliothèque de John Lewing ne se composait que des romans d'Anne Radcliffe. Ils étaient reliés en peau de goule, disait-il, et noirci sur tranche avec des os en sautoir. Les rayons étaient en bois de cyprès. Son livre de prédilection ne pouvait manquer de se nommer « Les mystères du château du Dolph ». Quel roman ! C'est le beau idéal de la laideur souterraine. Comme ils sont gais auprès de celui-là, tous les tristes ouvrages du même auteur. Jamais Anne Radcliffe n'a fait plus de dépenses de frayeur que dans « Udolph ». Chaque page semble tourner avec un accompagnement de ferraille. Chaque ligne est sablée avec de la poudre de tombe. Chaque lettre est un œil éteint qui regarde le lecteur. Un homme nerveux ne peut dormir dans une chambre habitée par ces 4 volumes sulfureux. Il est obligé de les exiler dans l'intérêt de son sommeil. Anne Radcliffe a fait l'exacte topographie des montagnes sur lesquelles planait le château du Dolph. Elle a mis une conscience louable à dépeindre les localités avec les plus minutieux détails. Bien différente en cela de tant de romanciers qui ne respectent point le lecteur et bâtissent des châteaux imaginaires dans des pays qui n'existent pas. Anne Radcliffe a si bien cadastré le domaine du Dolph avec ses appartenances et dépendances que, avec la première carte des Apennins qui lui tombe sous les yeux, le moi géographe des hommes met le doigt sur le point et dit, comme le héros du roman, « Voilà, Udolph ». John Lewing dessina un jour, sur la poussière de Hyde Park, le sombre manoir de Montoni, la montagne qui le porte à regret, et le bois de sapin qui s'incline de honte d'avoir couvert tant de crimes. Puis il prit des lettres de crédit sur son banquier de Florence et s'embarqua à Brighton pour Livourne. Il ne s'arrêta à Livourne que pour prendre du thé à la locanda du Quartier Reale. En 6 heures, sa chaise de poste l'avait déposée à Florence chez Schneider. À table d'hôte, il y avait un Allemand octogénaire qui était venu de Munich pour mourir à Rome devant un tableau de Cornelius. Un Anglais qui était amoureux de la Vénus de Médicis et l'avait demandé en mariage au grand-duc, et 3 jeunes Français qui faisaient de l'art et portaient de longs cheveux. Au dessert, on parla. Chacun exposa ses principes. John Lewing n'avait d'autre principe que ses théories sur les revenants. Il les exposa avec beaucoup de gravité. Les convives furent ébahis. La carte des apnins se déroula sur la table. On demanda des épingles aux garçons. John Lewing se promena sur les crêtes boisées, traversa les lacs, franchit les torrents, pénétra hardiment sous les voûtes sombres du château du Dolph, fit habiller ses convives en spectre avec des serviettes et fut saisi d'une attaque de nerfs. Les trois Français qui faisaient de l'art accompagnèrent John Lewing à sa chambre à coucher et lui présentèrent d'une voix sépulcrale une infusion de tilleul. John Lewing, pour récompenser cette générosité française, développa tous ses plans et pria les jeunes Français de vouloir bien l'accompagner à Udolph. Les Français s'excusèrent civilement en disant qu'ils étaient forcés de rester à Florence pour remettre en lumière une fresque effacée de Memo Gaddi. John Lewing leur dit « Eh bien, puisque vous ne voulez pas me suivre, je partirai seul. » À minuit, on se sépara. 2 jours après, John Lewing demande des chevaux et court en poste sur la route de Sienne jusqu'à ce village, composé de 2 maisons, qui se nomme misérablement Torinieri. Là, notre Anglais fit seller un cheval, suspendit le roman au cou de la bête et s'éloigna de la grande route pour marcher directement sur le château mystérieux. Entre Polderina et Ricorsi, la chaîne des Apennins s'allonge avec des contorsions effrayantes. Il y a des groupes de montagnes qui semblent s'être associés pour soutenir le ciel. Avant de descendre dans la profonde route qui tombe d'aplomb sur les chaumières de Ricorsi, on aperçoit à droite des amoncellements fantastiques de terrain, des collines rouges, des rochers sillonnés de rides, des montagnes qui ressemblent à des dômes de cathédrales. Tout ce paysage est d'une tristesse qui ne peut jamais parvenir à s'égayer au soleil italien. Lewing prit sa carte, la déroula sur le cou de son cheval et établit ses positions. « Udolph n'est pas loin d'ici, » dit-il. « Voilà une véritable campagne de revenants. » Il se mit à chevaucher çà et là, toisant les montagnes du sommet à la base et s'arrêtant par intervalles pour lire un chapitre du roman. Au milieu de ses perplexités, il avisa un pâtre mélancolique assis sur un tertre de gazon, une houlette à la main et gardée par un chien. Il galope vers le pâtre et lui demande, dans une langue qui avait toutes les peines du monde à se faire italienne, s'il était bien éloigné du château d'Udolph. Le pâtre était enveloppé, de la tête aux pieds, d'un vieux manteau rouge et ne laissait entrevoir que ses yeux et la moitié de son front, car la brise fraîchissait sur les Apennins. Il souleva lentement sa tête, regarda l'anglais et lui fit signe qu'il ne comprenait pas. John Lewing, à son tour, regarda fixement le pâtre, et un rapide frisson le secoua vivement. C'était effrayant, en effet, un pâtre sans troupeau, un manteau rouge et un chien noir. On aurait cru voir un post-scriptum du roman de Radcliffe, oublié dans ce désert. Cependant, l'héroïque anglais imposa silence au battement de son cœur et appelant à son secours tous les lambeaux de la grammaire de Veneroni que sa mémoire tenait à sa disposition, il engagea le colloque suivant. « Êtes-vous de ce pays, ô berger ?»« Oui, Excellence, » répondit le pâtre avec un accent de bucolique. « Je suis natif de Polderina. Me permettez-vous de vous demander des nouvelles de votre troupeau ?»« Eh, mon troupeau m'a abandonné à mon malheureux sort. Mon chien seul m'est resté fidèle. »« Quelle est votre profession aujourd'hui ?»« Pâtre, toujours pâtre. Le seigneur Montoni m'a promis de me monter un troupeau. J'attends. »« Le seigneur Montoni, dites-vous, il y a un seigneur Montoni dans cet endroit ?»« Oui, Excellence, vous le connaissez ?»« Si je le connais. » « Lui, non, mais son aïeul. Dites-moi, habite-t-il toujours le château d'Udolph ?»« Il habite cette chaumière que vous voyez là-bas, à 2 lieues d'ici. On l'appelle toujours le seigneur Montoni, mais il est aussi pauvre que moi. » « Le scélérat. Je parle de l'aïeul. Et que fait-il, ce Montoni, le petit-fils ?»« Il arrête les voyageurs et les dévalise. Au fond, c'est un honnête homme. »« Vraiment ? Il a donc été exproprié du château de ses aïeux ?»« Oui, le château tombe en ruine. » En ruine, ce merveilleux château, est-il bien loin d'ici? Le seigneur Montoni? Non, le château. On peut le voir de la place où vous êtes. Tenez, montez sur ce petit rocher et regardez entre ces 2 chaînes qui se penchent. Vous voyez quelque chose de noir, n'est-ce pas? De très noir, oui. C'est la dernière tourelle qui reste à Udolph. Ah, il y avait tant de tourelles. Pourriez-vous m'accompagner jusque-là? Avec plaisir, Excellence. Depuis que je n'ai plus de troupeau, Je ne demande que des occasions de me distraire. Voilà la place où je le mène à paître tous les jours. Ah, pauvre garçon, tenez, voilà 20 guinées pour vous consoler. De l'or, de l'or, non, non, gardez vos dons, généreux étranger. Vos guinées m'ôteraient le bonheur dont je jouis. Et de quel bonheur jouissez-vous dans votre infortune? Je cultive la vertu. Très bien, après, voilà tout. De quoi vivez-vous ici? Je vis au hasard. Un air pur m'environne. Le soleil me chauffe de ses rayons. Le pâtre et l'anglais cheminaient en causant ainsi. Voilà, dit en lui-même John Lewing, voilà le pâtre le plus original que j'ai vu de ma vie. Dieu me donne si je comprends cette existence-là. Après une courte pause, le colloque recommença. Monsieur le pâtre, dit l'anglais, auriez-vous entendu parler par tradition des mystères du château du Dolph? À cette interrogation, le pâtre s'arrêta brusquement et manifesta une vive émotion. Son corps parut frissonner sous le manteau rouge. Il regarda l'anglais du fond de ses yeux vitrés par l'effroi. Le chien noir hurla rauquement. John Lewing fit 30 conjectures à la minute et resta muet sur son cheval de poste. Le vent sifflait dans les rameaux secs d'un vieux figuier stérile qui avait l'air de vouloir se mêler à la conversation. Le pâtre hocha la tête avec des mouvements solennels et mélancoliques, et John Lewing, s'apercevant qu'il allait enfin parler, descendit de cheval pour l'écouter de plus près. « Seigneur, a dit le pâtre, vous me faites là une demande terrible et qui rouvre de vieilles blessures. Rétractez-vous votre demande ou persistez-vous? Je persiste, dit l'anglais. Voulez-vous savoir qui je suis? Oui. Je suis le petit-fils d'Annette et de Ludovico. Grand Dieu! Le petit-fils de ces deux honnêtes? Oui, seigneur, lui-même. Regardez ce figuier. Je le regarde. C'est à l'ombre de ce figuier que se sont reposés mon aïeul. Mon aïeul et la jeune et belle Émilie et M. Dupont lorsqu'ils s'échappèrent du château du Dolph. Ils se sont reposés là. Permettez que je coupe une branche de l'arbre vénérable qui a ombragé tant de vertus. Continuez, fils de Ludovico. Savez-vous le nom du village que vous venez de traverser? Polderina, je crois. Justement. Eh bien, c'est là qu'Émilie acheta un chapeau de paille d'Italie, dont elle avait grand besoin pour son voyage à Livourne. Oui, oui, ce chapeau de paille, tome 3, page 247, édition d'Édimbourg. Avançons toujours, vous n'êtes pas au bout. Voyez-vous ces bruyères qui s'agitent comme des chevelures dans une cuve pleine de damnés et chauffées à 60 degrés et au mur? Oui, oh, le plus poétique des pâtres. C'est là qu'eut lieu la disparition de la signora Laurentina. Ombre chère, elle plane peut-être. Elle plane, n'en doutez pas. Aussi, ces bruyères s'agitent toujours, même en l'absence du vent. Permettez que je coupe un rameau de ces bruyères. Nous sommes en ce moment dans le chemin creux où passaient les conditieri quand ils se rendaient de Venise à Udolphe. Je ramasse un caillou de ce chemin creux. Voici une petite prairie qui fut baignée par les larmes de Valancourt. Je cueille un brin d'herbe pour ma collection. Et voici, non, pour me servir de l'expression consacrée, voilà, voilà, Udolphe. Ah, mon Dieu! Tenez un instant la bride de mon cheval, je veux me prosterner. Comment? Voilà donc ce magnifique château? Est-il perché? Mais dites-moi, je ne vois pas la forêt de sapins. Incendié, incendié, incendié, par la malveillance. Maintenant, prenons haleine et gravissons ce rude sentier. Oh, je reconnais ce sentier. Et Valancourt aussi le connaissait, ce sentier. Infortuné jeune homme. Oh, jeune pâtre! Comment pourrais-je reconnaître le service que vous me rendez? Oh, je vous serais le plus reconnaissant des hommes si vous acceptiez un troupeau de ma main. Pas une brebis, je n'ai besoin de rien, ma pauvreté me suffit. Ce désintéressement fera mon désespoir. Dites-moi, s'il vous plaît, comment vivez-vous avec le petit-fils de Montoni? Le temps et le malheur adoucissent singulièrement les haines. Je suis intimement lié avec le petit-fils du persécuteur de mon aïeul Ludovico. Cela me touche aux larmes et me réconcilie avec le nom de Montoni. Le petit-fils ne persécute plus personne. Eh, mon Dieu, qui voulez-vous qu'il persécute? Il serait bien tenté quelquefois de commettre quelque cruauté par désœuvrement, mais il n'a pas un écu. Il faut être riche pour être cruel impunément. Sénèque l'a dit. Da posse cantum volunt. Ciel, Vous avez lu Sénèque, vous parlez latin. Oh, ces montagnes ne méritent pas de vous posséder. Quel troupeau ne se glorifierait pas de vous avoir à sa tête? Venez à Londres avec moi, monsieur, venez. Je vous donnerai un de mes vieux châteaux. Ah, pourrais-je vivre loin de ces lieux, témoin des malheurs de ma famille et de mes malheurs personnels? Quelle douceur trouverais-je qui valût la calamité qui m'accable à l'ombre de ces figuiers? En conversant ainsi, ils arrivèrent sur le plateau de la montagne. Un singulier spectacle ôta la parole à l'anglais. Des ruines étaient amoncelées dans un fossé large et profond qu'elles avaient comblé. La moitié d'un château était encore vigoureusement debout. Une tour bien conservée s'élevait comme la tige d'un aloès, d'un grand bouquet de chênes, et assistait, comme un soldat vivant, à la dévastation d'un champ de bataille. Le pont-levis était ironiquement levé devant une muraille absente, et sur un fossé sans eau, des pins chétifs avaient envahi la grande galerie et semblaient s'y promener sur deux rangs comme des nains mystérieux. Un escalier gigantesque montait vers des appartements supérieurs qui n'existaient plus. Le vent des Apennins avait ensemencé toutes ces ruines et les avait couvertes de cette végétation puissante et capricieuse que l'art n'imitera jamais. John Lewin reconnut parfaitement les localités. Il fit le devis du château et nota du doigt, dans l'espace vide, les salles écroulées où se passèrent tant de scènes inouïes. Il se désigna, avec une grande sagacité, les parcelles d'air où était suspendue la chambre funéraire du tableau de cire. Il se montra dans le vide néant où fut cloué ce tableau et il frémit. Il promena dans le corridor absent qui avait entendu tant de plaintes nocturnes, et il se recueillit pour saisir encore un écho de ses plaintes. Le pâtre le suivait partout avec son chien noir. Ils arrivèrent au pied de la tour. La porte était défendue par des buissons hérissés comme des chevaux de frise. John Lewin se fraye un passage à travers ses épines en y laissant en otage les lambeaux de ses vêtements. L'escalier était vermoulu et sombrement éclairé par des lucarnes pratiquées dans l'épaisseur du mur. Au premier étage, l'Anglais entra dans une chambre qu'il reconnut du premier coup. C'était la chambre d'Émilie. L'ameublement se composait d'un bois de lit et d'un matelas en putréfaction. John Lewin baisa ce lit. « Oh, Valancourt ! » s'écria-t-il, et il pleura. Il vit aussi distinctement sur le mur le chiffre BE en caractère de sang. « La nuit approche, » dit le pâtre, avec sa voix mélancolique. « Et que m'importe ? C'est la nuit que j'attends, que j'implore, » dit l'Anglais. « Quand finira-t-il ce jour odieux ? Je déteste le soleil. » « Mais songez, Seigneur, que nous ne pourrons pas regagner Torinieri ou Polderina dans l'obscurité. Ça m'est bien égal, je couche ici. » Le pâtre recula d'horreur. « Vous couchez ici ? Certainement, là, dans ce lit, le lit d'Émilie. Oh, Valancourt ! Et où souperez-vous ? Je ne soupe jamais. J'irai déjeuner demain à Torinieri. Faites-moi le plaisir de mettre mon cheval au vert dans les ruines. Il boira la rosée de la nuit. Vous n'avez pas la fantaisie de passer la nuit avec moi, vous ? Dieu m'en garde. Mettez-vous à votre aise. Mais ne manquez pas de vous trouver demain à Torinieri. À l'auberge, enfin, il n'y en a qu'une. Adieu, vous que j'ose appeler mon ami. » Le pâtre et Lewin se serrèrent cordialement la main. L'Anglais resta seul dans la chambre d'Émilie. Le pâtre et son chien disparurent bientôt dans le chemin creux. La nuit tomba sur les vastes ruines et les couvrit d'une ombre transparente qui les faisait saillir dans un relief effrayant. Chaque masse de granit emprunta une physionomie étrange à cette clarté livide qui tombe d'un ciel étoilé, mais nuageux. La verdure des pins, des figuiers sauvages, des noyers, des hautes herbes, se fit noire comme un crêpe de deuil. C'était comme un cimetière hérissé de tombeaux dévastés dont les épitaphes avaient disparu sous un voile de mousse, de saxifrage et de lichen. John Lewin contempla longtemps, à travers des larmes de joie, ce spectacle ravissant pour lui. « Comme il est doux de passer ici ces soirées, » disait-il, « lorsque l'âge a bronzé notre épiderme et nous a ravi nos émotions. Cela ne vaut-il pas mieux, dites-moi, que de faire le whist dans un club illuminé au gaz? Mais à quoi pensent donc les hommes qui s'ensevelissent dans une salle étroite pour échanger entre eux ces paroles nauséabondes qu'ils appellent les charmes de la conversation? Les mortels sont vraiment fous. Oh, comme la vie est forte au milieu de ces ruines. Quel soleil vaut cette nuit ! Oh, Anne Radcliffe, grand homme ! Pourquoi n'as-tu pas de tombe d'honneur à Westminster ? Je t'en promets une en marbre noir. » Ce vœu fait, John Lewing se jeta tout habillé sur le lit d'Emily, non dans l'intention vulgaire de dormir, mais pour penser, dans un saint recueillement. Il pensait depuis quelques heures, lorsqu'il entendit distinctement sonner un coup d'horloge, puis deux, trois, jusqu'à 12, minuit. Il se leva sur son séant et dit « Voilà qui est bien singulier, ce n'est point un rêve. J'ai compté les coups, et la vibration roule encore dans la tour. Il y a donc un beffroi ici. Je donnerais 100 guinées pour l'entendre une seconde fois. » Le beffroi répéta minuit. « Très bien, » dit Lewing. « Je voudrais savoir quel est l'horloger qui règle cette horloge. » Il se mit à rire aux éclats pour faire honneur à sa plaisanterie. Ce rire fut brusquement suspendu par des sons mélodieux qui semblaient monter du pied de la tour. « C'est l'harpe de Laurentin !» s'écria Lewing. « Je la reconnais !» Et il courut à la croisée pour entendre et voir. Le prélude de l'instrument annonçait une romance. Une voix chantait « Ô toi qui sus toucher mon âme, mortel sensible et vertueux, prends pitié de ma triste flamme, seconde mon cœur et mes vœux. À mon chéri, toi que j'adore, délivre-moi de mes tyrans. Pour flétrir celui que j'aborde, il ne me reste que des chants. » Ces vers, dit Lewing, ne sont pas fort bons, mais je les paierai volontiers 500 guinées. Comme il se parlait à lui-même, il vit distinctement une ombre blanche qui se glissait dans les hautes herbes au pied de la tour. Respectons ce terrible mystère, dit Lewing. Il ne nous appartient pas de sonder les effets surnaturels, selon la belle expression de Radcliffe, dans son roman de Julia ou Les Souterrains de Mazzini. Alors commencèrent d'épouvantables scènes, qui auraient glacé de terreur tout autre que l'héroïque John Lewing. La tour trembla sur ses vieux fondements, avec un bruit de ferraille, si bien nourri, qu'on eût dit qu'elle était habitée par tous les fantômes du bagne de l'enfer. On entendait des cris étranges qui n'appartenaient pas à des poitrines d'hommes. Ces cris s'élançaient avec des sifflements brisés, comme s'ils avaient fait irruption à travers une rangée de squelettes. Du moins, c'était ainsi que se les expliquait Lewing. Il entendait des mots isolés, des phrases sans suite, sans doute interrompues par un vif aiguillon d'une flamme infernale qui suit le damné sur la terre lorsqu'il a obtenu un congé de Satan. C'étaient des paroles lamentables, prononcées dans un italien à l'anglaise, comme si le plaignant eût voulu se mettre à la portée de son seul auditeur. Puis, de longs éclats de rire qui allaient s'éteindre dans un concert de sanglots, puis des râles affreux, comme si toutes les potences de Tyburn eussent fonctionné sur 100 misérables agonies vouées au bourreau, le tout assaisonné de plaintes de vent, de bruissements de feuilles, de vagissements de nouveau-nés, de ferraillements de fossoyeurs, de duos d'orfraies et de hiboux, de glas de cloches fêlées, de frôlements de sueur, de craquements de saules pleureurs, de lamentations de vierges outragées, de cliquetis de glaives, de soupirs de ponts-levis, de fracas de torrents sous une écluse, de souffles de fantômes infusés dans l'oreille, de miaulements de chats-tigres, de toutes les désolantes harmonies qui s'élèvent des lieux funèbres où la chair souffre, où le corps verdit, où l'âme pleure, où la vie se fait mort. John Lewing analysa tous ces effets et les consigna dans un procès-verbal, en invitant l'assemblée invisible à venir le signer. Personne ne se présenta. Lewing jugea convenable de se retirer dans une pièce voisine pour laisser libre accès aux signataires. À l'aube, le calme revint aux ruines. Jamais aube ne fut plus maudite que celle-là. Lewing était furieux contre elle. D'abord, il ne voulut pas la reconnaître et la nia. L'aube ne tint pas compte de cet aveuglement et fit son chemin dans le ciel en attendant l'aurore. Puis, un rayon courut sur la longue et double crête qui encaisse le large torrent de Ricorsi. C'était le précurseur du soleil. L'astre agile, en s'élançant sur l'horizon, rencontra une malédiction de John Lewing. Cet innocent soleil fut traité en cette occasion comme un de ces brouillons qui viennent troubler au théâtre un spectacle amusant et font baisser le rideau. John Lewing rentra dans la chambre d'Emily et prit la feuille de papier sur laquelle il avait écrit en grosses lettres, dans les ténèbres, le procès-verbal de la nuit. Jugé de sa joie, il lut au bas les signatures suivantes, en caractère sulfureux. On signait Montoni père et fils, ombre ben, Signora Laurentina, Aspiol, Valancourt, fantôme errant, Émilie, jeune spectre, Monsieur Dupont, revenant, Annette, goule, Ludovico, Farfadet, cœur de condottieri vénitien. Lewing ne témoigna aucun étonnement à la vue de ces signatures. Il trouva cela très naturel, mais sa joie était délirante. Il serra précieusement le procès-verbal, descendit de la tour et se mit à chercher son cheval, sans espoir de le trouver, car il était probable qu'il avait disparu dans l'ouragan infernal de la nuit. « Comme tout est calme, disait-il à cette heure. Qui croirait que ces lieux viennent d'assister à tant de bruyantes scènes ?» En prononçant ces derniers mots, il heurta du pied son cheval qui dormait tranquillement étendu sur le côté. « Pauvre bête, dit-il, le voilà qui se remet de l'insomnie agitée d'une terrible nuit. Allons, voyons, sur pied, tu dormiras à Torrianiri. » Le cheval, mourant de faim et de soif, se leva péniblement avec un maintien piteux de résignation. John Lewing s'élança lourdement sur lui et piqua vers Torrianiri. Il trouva le pâtre exact au rendez-vous sur la porte de l'auberge. Le pâtre sautait de joie en revoyant Lewing, comme s'il l'avait cru perdu sans retour. Lewing fut sensible à ces vives démonstrations d'amitié. « Déjeunons maintenant avant tout, lui dit-il. J'ai bu l'absinthe des Apennins et je meurs de faim. Jeune pâtre, comment vous nommez-vous ? Perugino. Perugino, je t'adopte pour mon fils. J'ai un père, seigneur Lord. Tu en auras deux. Assieds-toi là, mon fils, et demandons un bon déjeuner. Voyons, toi qui connais le pays, que trouve-t-on ici de bon à manger ? Rien du tout, monsieur. De la mortadelle fraîche et des œufs qui ne sont pas frais. Mangeons toujours. Voyons, dis-moi, à qui appartiennent les ruines du château d'Udolf ? Au seigneur Montoni, mon ami. Cela ne lui rapporte rien, n'est-ce pas ? Beaucoup moins. Vendrait-il cher ces ruines ? Oh, il ne les donnerait pas pour un million. C'est le château de ses pères, et il a la consolation d'aller y mourir de faim un jour avec moi. Comment donc est-il fou ? Ah, seigneur, il faut respecter les honorables scrupules de la piété filiale. Mon ami veut léguer à ses enfants cet héritage intact. Un héritage de revenant, à quoi pense-t-il ? De revenant tant qu'il vous plaira, mais vous ne vendriez pas, vous, le château de vos pères ? Un fameux château, des ruines ? Oui, mais des ruines bien chères au cœur d'un fils. Nous sommes pauvres, nous, mais pleins de respect pour la mémoire de nos aïeux. Vos aïeux étaient des brigands ? Sans doute. Mais un fils ne s'informe pas de la profession de son père, il le vénère, quel que soit le nom dont la société les flétrit. Voilà de singuliers principes. Enfin, peut-on le voir, ce monsieur Montoni, petit-fils ? Il déjeune en ce moment chez son cousin Vilbardio. Rendez-moi le service d'aller lui dire que je veux lui parler, Perugino. Le pâtre laissa John Lewing se débattant avec un air de mortadelle et courut chercher Montoni, le petit-fils. Montoni arriva. C'était un jeune homme de 30 ans d'une figure farouche. Il était vêtu en jeune seigneur ruiné du XVIe siècle. Ses haillons annonçaient une ancienne splendeur. Il portait une épée au fourreau de cuivre semé de taches de vert de gris. Ses bottines avaient oublié leurs semelles sur les Apennins. « Voilà, mon noble ami, dit le pâtre. Montoni salua fièrement. Lewing s'inclina avec toute la courtoisie complaisante d'un Français. Seigneur Montoni, dit Lewing, vous êtes le propriétaire du château d'Udolf, m'a dit Perugino. Oui, seigneur, et je m'en fais gloire, répondit Montoni avec un accent mâle très prononcé. Voudriez-vous le vendre ? Le vendre ? Et que dirait la noblesse italienne si l'on savait que j'ai trafiqué du berceau de mes pères ? Sans faire tort à vos pères, je vous prie d'observer que leur berceau est bien délabré. Et je crois que la noblesse italienne ne se scandaliserait pas de cette vente. Écoutez, Montoni, vous me paraissez peu fortuné. Je suis 10 fois millionnaire, moi. Je puis vous payer vos ruines ce qu'elles valent. Demandez-moi un prix. Si je consentais à un pareil trafic, ce ne serait que dans le but légitime de m'enrichir d'un seul coup, afin de rendre à mon nom cet éclat, ce luxe, cette splendeur qu'il avait d'autrefois. Je vous avoue franchement que je ne vendrais pas mon château pour un prix ignoble et indigne de lui et de moi. Mais je le céderais avec une certaine répugnance pour une somme d'une haute valeur. Donnez-moi 100 000 écus, et je me résigne, en pleurant, à embrasser Udolphe pour la dernière fois. Touchez dans ma main, seigneur Montoni, Udolphe est à moi. Seulement, Milord, je veux qu'il me soit permis d'y aller expirer de douleur, si la vie me devient à charge après cette session. Tout ce que vous voudrez, mais vous n'expirerez pas. J'expirerai. Où sont vos titres de propriété ? À Sienne. Je possède le château sous le nom de Filangieri, mon aïeul maternel. Le nom de Montoni est proscrit en Toscane. Donnez-moi 3 jours pour m'habiller convenablement et je vous attends à Sienne, Piazza del Campo, à midi. Et moi, je vais écrire à mon banquier de Florence. Adieu, noble lord. Adieu, seigneur Montoni. Adieu, Perugino. 3 jours après cette entrevue, les ruines du Dolph appartenaient à John Lewing. Le voyageur ne se possédait plus de joie. Dans son impatience de propriétaire, il monta à cheval et courut à franc étrier vers la montagne désirée. « Quelle douce nuit je vais encore me donner !» disait-il à chaque élan du cheval. « Oh, comme je vais savourer cette noble veillée ! Peut-être verrai-je des choses que je n'ai pas vues la première fois. Les fantômes aiment la variété. Je donnerais pourtant 100 guinées pour entendre une seconde fois la romance de Laurentina. » Il arriva devant les ruines du Dolph à l'approche de la nuit. Tout était à sa place. Il mit son cheval au vert et alla reprendre son poste dans la chambre d'Émilie. Les ténèbres ne tardèrent pas d'envelopper le sommet de la montagne. Elles étaient intenses à faire frémir. « Voilà une nuit irritée et menaçante, » dit John Lewing. « Il se prépare ici quelque chose d'affreux et d'imprévu. C'est une déclaration de guerre de l'enfer. Je suis prêt. » Disant cela, il se coucha, plein de joie et de résolution, l'oreille tendue au bruit du dehors, l'œil ouvert et impatient de curiosité. À chaque murmure de la nuit, il se levait sur son séant et disait d'une voix sourde « Ah, voilà que ça commence !» Puis, rien ne commençait. Elle reprenait sa position horizontale. Jamais amoureux au rendez-vous n'éprouva plus de trépignement d'impatience que John Lewing au rendez-vous des fantômes. Il fit sonner sa montre à répétition et compta 11h03. « C'est très bien, il n'y a pas de retard. Soyons justes et n'accusons personne. Si l'horloge de ces messieurs est réglée sur ma montre, comme cela doit être, je n'ai plus que 15 minutes d'ennui à subir. Oh, qu'elles sont longues, 15 minutes de nuit !» La montre sonna une seconde fois. Lewing compta 00h15. « Oh ! Il n'y a pas encore de quoi s'étonner. Le beffroi retarde, ou bien ils ne sont pas prêts, ces gens-là. Je les ai pris au dépourvu. Attendons. » La montre sonnait tous les quarts avec une rapidité désespérante. Lorsque l'heure attendue est arrivée sans amener le plaisir promis, le temps s'écoule aussi rapidement qu'il marchait avec lenteur dans l'expectative. John Lewing s'était levé d'impatience, et la tête appuyée sur ses deux mains, il contemplait de la croisée les ruines du Dolph, déjà légèrement blanchies des lueurs matinales de l'été. « Il faut convenir, murmura-t-il, que c'est indécent de se comporter ainsi. Voilà l'aube et rien ne paraît. » Rien ne parut en effet. L'aurore entrait avec sa clarté d'opale dans la chambre de la tour. La montagne et la plaine étaient à découvert. John Lewing exhalait sa rage contre les revenants et méditait un procès contre eux. Au lever du soleil, il descendit à l'auberge de Torinieri et demanda le pâtre Perugino. Personne ne le connaissait dans le village. Il résolut alors de passer la journée à l'auberge et de rentrer à Udolphe le soir. C'était justement la veillée du vendredi au samedi. « S'ils me font encore faux bon cette nuit, disait-il, je désespère de les revoir, mais je me vengerai bien de ces fantômes-là. » Il fut exact au rendez-vous qu'il s'était donné. La nuit ressembla parfaitement à la veille. Minuit passa comme une heure ordinaire. Le soleil du samedi trouva Lewing assis sur une ruine et pâle de consternation. Une troisième tentative, qu'il fit encore en désespoir de cause, n'eut pas un résultat plus heureux. « Retournons à Sienne, dit-il, et demandons des nouvelles de Perugino, de Filangieri et de Montoni. » À Sienne, John Lewing heurta la porte de la maison où le contrat avait été passé. La porte ne s'ouvrit pas, elle était inhabitée depuis 5 ans. « Je suis la victime de l'enfer de mon vivant, » murmura-t-il, avec un accent de mélancolique résignation. « Allons prendre du thé au café de la Piazza del Campo. » En prenant son thé, il parcourut la Gazette de Florence et jugeait de sa stupeur lorsqu'il lut l'article suivant. Un Anglais millionnaire, Sir John Lewing, vient d'envoyer à la caisse de Buon Governo la somme de 100 000 écus qu'il destine à l'entretien de la grande route de Sienne à Ricorsi. Cette noble générosité britannique trouvera de la reconnaissance chez tous les Toscans. Les voyageurs béniront à chaque pas le nom de John Lewing. Ce nom sera gravé sur une borne millière au bas de la côte de Sienne, entre la Louvre et le Griffon, arme de la cité. John Lewing ressemblait à un homme qui sort d'un rêve. Il avait beaucoup de bon sens, folie à part. Il se mit à réfléchir froidement et récapitula son histoire. Il passa en revue les trois jeunes Français railleurs de la table d'hôte de Florence et ce pâtre Perugino, qui avait un si singulier langage, et ce jeune Montoni, si fièrement délabré, et toute la fantasmagorie du château. Puis, se levant avec calme, comme un homme qui a pris son parti, il demanda une plume et du papier et écrivit à la Gazette le billet suivant. Je viens de me convaincre que les 100 000 écus que j'ai donnés seront insuffisants pour l'entretien de la route de Sienne. J'ajoute une somme égale à la première, qui est à la disposition du gouvernement chez mon banquier Filippo Boggi, place du Marché Neuf à Florence. John Lewing. Le lendemain, il fit un auto-da-fé des romans d'Anne Radcliffe. Ainsi s'achève Le château du Dolph de Joseph Méry.